Yeah, 2008 pour toutes les mamans du monde. FR Julie, Melissa M. Maman, tu es ma number one. Elle est mon âme, elle est mon cœur, elle est ma flamme, mon bonheur. Et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange le plus précieux. Et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ma raison d'être, ma raison d'être, ma raison de vivre. Que j'aime. Elle est ma vie. Yeah, ok. Maman, je voulais te dire que je t'aime. 9 mois tu m'as porté. À mon tour maintenant de dire que je t'aime. Avant que tu partes plein de regrets, jusqu'au bout je serai là à tes côtés. Et pour toi, je te dirai que tu es la meilleure des mamans. La number one, celle qui nous a élevés. Dans mes veines coule ton sang, car pour moi tu as tout donné. Maintenant et à jamais, tu resteras la plus précieuse. Maintenant qu'on s'est retrouvé, je peux te perdre de mes yeux, ma petite maman. Elle est mon ombre, elle est ma foi. Elle est mon or, elle est ma foi. C'est elle qui m'a donné la vie. Elle fait partie de moi. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Près d'elle, je serai jusqu'à la dernière seconde. C'est elle que j'aime. C'est elle que j'aime. Elle est ma vie. Yeah. Ok. Maman, je veux que tu regardes comment je me débrouille. Car ton seul regard me suffit pour être débrouillard. Mais il me manque quelque chose, le vide de ton existence près de moi. Chaque jour je me sens tout chose quand je repense à la vie avec toi. Mais faut que je vole de mes propres ailes, c'est dur mais j'arrive quand même. Avec toi je serai que bien, avec un câlin sans lendemain. Tu es pour moi ma raison d'être, celui qui te croyait peut-être un jour et qui te dirait jamais je t'aime, maman. Elle fait partie de moi. Elle fait partie de moi. Maman, tu fais partie de moi. Un geste, une parole, rien que tu rends les gens heureux. Car tu es mon nom, mon ange. Tu es mon sang, mon or, vraiment le plus précieux. Maman, je t'aime, ça pousse, car tu en vaux la peine à mon cœur. Et tu es toute ma vie, toute mon infini, maman. Yeah. Pour toutes les mamans, FR Julie, Melissa M, 2009. Ok.